Cartographie des mémoires. Memoria en cartografía. Pays basque, Californie. Euskal Herria, California. La huitième province. Zortzigarren eskualdea. Tu te trouves sur la place d'une ville ou d'un village. Est-ce qu'il y a un café sur cette place? Sinon, appuie sur pause, le temps d'aller en repérer un dans les rues adjacentes. Maintenant, je vais te demander d'aller te positionner au centre de la place. Tu y es? Alors on va commencer. Ferme les yeux, prends une grande inspiration, respire. Sois consciente de l'espace que tu perçois autour de toi. Je vais te poser une question. Si je te demande quel est ton paysage préféré, quel est le premier endroit qui te vient à l'esprit? Des champs, la mer, une place comme celle que tu as devant toi, ou bien ta maison, un groupe de personnes? Est-ce un endroit où tu vis ou que tu as quitté? Ouvre les yeux. Cherche un point où te diriger sur cette place et marche tranquillement jusqu'à lui, toujours avec cette image dans ta tête. Toute diaspora est définie par une dispersion physique ou géographique et par la séparation affective au pays d'origine. La diaspora est une communauté non pas de lieu mais d'identité. Les Basques de la diaspora peuplent de multiples lieux géographiques. C'est la huitième province du Pays basque. Un territoire qui n'existe pas sur une carte, mais dans le cœur. Et pour tous ceux et celles qui y vivent, le Pays basque est le lieu des souvenirs et de la nostalgie. Tu es arrivé où tu voulais? Je vais te parler d'Anna. Anna est née et a grandi en Californie, de parents issus de la première génération d'émigrés basques. Son père venait de la vallée des Aldudes et sa mère est née dans la maison familiale, pas très loin de l'endroit où tu te trouves. Depuis sa naissance, elle revient ici tous les deux ans. Si Anna devait parler du Pays basque à quelqu'un qu'elle ne connaît pas, elle lui parlerait des talots aux fêtes de Saint-Jean-Pied-de-Port, de la plage de Saint-Sébastien et de la route de la Corniche. Ce qu'elle garderait pour elle, c'est cette place et l'odeur d'humidité dans la maison de sa grand-mère. C'est une place qui en soi n'a rien d'extraordinaire, mais c'est ici que sont ancrés ses souvenirs. Ceux des soirs d'été avec ses cousines, de ses premières fêtes, de son premier chagrin d'amour et des fous rires avec ses amis. The smell that represents the Basque Country to me is the musky smell in the house. Soon as I walk in, I love it. It's not necessarily a good smell, but it sounds comfortable. L'odeur d'humidité, Anna ne la sent jamais en Californie. Il y fait trop sec. Mais quand elle revient dans la maison familiale, cette odeur d'humidité lui rappelle que c'est sur cette pierre que sont bâties les fondations de sa famille. Quand elle franchit la porte, ce sont toujours les mêmes questions qu'elle se pose. Qu'est-ce qui va encore être là? Qu'est-ce qu'il n'y aura plus? Qu'est-ce qui aura changé? Lève les yeux et choisis une des fenêtres qui donne sur cette place. Une fenêtre avec les volets ouverts. Une fenêtre qui donne sur une pièce qui, pour toi, est habitée. Les familles comme les villages sont remplies de légendes. Chaque maison a son histoire et chaque histoire a sa maison. Every time you go back, it takes you back to when you were a young child. Il est très probable que là où les personnes qui habitent derrière cette fenêtre aient une amie, une connaissance ou un ancêtre qui, à un moment donné de l'histoire, est parti en Amérique. La mère d'Anna, tu vois, a rejoint des cousines à San Francisco. Elle a travaillé comme secrétaire pour le FBI. Son père, comme bon nombre d'émigrés, avait deux travails en même temps. Il avait d'abord été berger et avait ensuite exercé les professions de boulanger et jardinier. Les parents d'Anna se sont rencontrés au Basque Cultural Center de San Francisco et se sont mariés très vite. Ils ne croyaient pas aux longues fiançailles. Je t'aime bien, je te plais, marions-nous. Comme toutes celles et ceux qui ont émigré, la famille d'Anna a eu à cœur d'entretenir les liens qui l'unissent au Pays Basque. Revenir pour Anna, c'est toujours refaire le chemin à l'envers. Répondre aux vœux secrets de ses parents, celui de revenir au pays, de prendre le temps de parler avec les gens d'ici et de passer du temps au café ou chez la famille et les amis. Qu'est-ce qui fait l'attachement à un lieu et à des gens ? Par quel procédé beau et compliqué, l'amour que l'on éprouve pour des gens se confond avec l'amour que l'on éprouve pour des lieux ? Et de quoi a été fait ce sentiment d'appartenance que ses parents tenaient à tout prix à lui transmettre ? Cette pièce que tu devines derrière la fenêtre, ce n'est pas seulement quatre murs, c'est un endroit qui a besoin d'être habité et visité. Un endroit qu'on connaît par cœur et où on appelle les voisins par leur prénom. Au fil des étés passés, Anna a fait corps avec cette place et si on pouvait l'examiner, on retrouverait sans doute un plan de cheminement d'après le réseau de ses vaisseaux sanguins. Ses souvenirs d'enfance resteront intimement liés à la géographie de cet endroit et son épicentre est juste à tes pieds. Quand elle était adolescente, Anna partait avec ses parents rendre visite à la famille et aux amis dans les villages alentours. Sur le chemin, sa mère expliquait « Ici, c'est la maison des parents de Maïté. Elle danse avec moi au centre basque. Le village là-bas, c'est celui de Loli. Ses frères et sœurs y vivent encore. Et cette ferme que tu vois, c'est celle de la famille de Monique. » Anna a grandi en sachant reconnaître ses villages sur une carte parce qu'elle faisait partie de la même communauté que ceux et celles qui avaient quitté ses maisons. Être basque en Californie, tu vois, c'est un peu comme avoir une deuxième famille. Eskolara joaten zirenean, aurrek lagunak bazituzen amerikarrak eta euskaldunak ere. Eta zeuskaten lagun euskaldunak familioka bezalakoa ziren. Elkarrekin haunditu baitziren. Tu veux aller t'installer de manière à pouvoir observer la devanture d'un bar ou d'un café ? Si tu croises des personnes sur ton chemin ou en terrasse, tu peux te poser les questions suivantes. Qui habite ici ? Qui ne fait que passer ? En Californie, Anna se sent toujours très basque. Quand elle est au Pays Basque, elle se sent très américaine. Au Pays Basque, les gens savent qu'elle n'est pas ici à la manière dont elle s'habille et à la façon dont elle parle, à son accent. Même si elle parle basque, même si sa grand-mère habite encore la maison familiale, les gens d'ici continuent à l'appeler l'américaine. Ce n'est pas ce qu'elle ressent et pourtant, elle a dû s'adapter parce que c'est la réalité de sa situation. À ce propos, un jour, son père lui a dit « Je suis basque-américain, mais toi, tu es américaine-basque ». Le poète basque Joseba Sarionandia a écrit Ils sont partis outre-mer et ne reviendront jamais. Et si un jour ils reviendraient, ils ne seraient plus les mêmes qu'en partant. Regarde autour de toi. Être basque en Californie, c'est un peu comme vivre dans deux espaces à la fois. De faire partie d'un endroit et de ne pas en faire partie selon la perspective d'où tu regardes. Nire hispanagusia eskolan hasi zenean, etzekien bat ere inglesez, tutik ere. Eta andereinoak nire amari esan zion, telebista bat erosi eta Sesame Street ikusiz ingelesa ikasiko du. Nik ez, ni eskolara joan bainoren inglesa ikasi nuen, etxean. Telebizari esker bai, baina baita ere nire hizparekin hitz egiteko erabiltzen genuelako. Hori izan gure arteko hizkuntza. Baina nire ama bildur zen bere aurrek euskera aztuko ote zuten eskolara joatearekin. Hori bai, egunero kafesnea egiten zigun. Izugarri maite genuen kafesnea. Halaxe esaten zigun. Kafesnea nahi duzu, euskera hitz egin. Beraz, ikusten? Kafesneari esker ere hitz egiten dute euskeraz. Hori bai, nire amak egin zuen lana izugarria izan zen. Inoiz ez zigun ingelesez hitz egiten. Hori guk euskeraz hitz egiteko erabakia ongi hartua zuen. Quand ils entendaient l'accent de ses parents, la manière dont ils parlaient anglais, les Américains savaient qu'ils n'étaient pas nés ici. Il y avait beaucoup de stéréotypes autour de leurs origines, mais les parents d'Anna ont persévéré. Pourtant, tout au long de son enfance, il est arrivé que d'autres enfants se moquent de l'accent de ses parents et elle se rappelle avoir pensé « Comment osent-ils se moquer d'elle alors qu'elle pourrait leur dire en quatre langues d'aller se faire foutre à eux qui n'en parlaient qu'une seule ?» Ses parents avaient une grande dose d'intelligence au sujet du monde et d'eux-mêmes et ils n'ont jamais été reconnus de ça à cause de leur accent. My parents had a certain amount of intelligence about the world and themselves that I think they never got credit for because of their accent. Nous chérissons ce que nos parents ont fait pour nous et ce qu'ils nous ont transmis. Et on veut continuer à le transmettre à nos enfants. Ce pont ne sera pas cassé et il marche dans les deux sens. Nous portons quelque chose de notre enfance en nous et parfois le transmettons à nos enfants à notre tour. Une sorte d'ADN codé, fait de souvenirs joyeux ou douloureux, espoir et étonnement, toutes les choses à partir duquel nous nous construisons. Mais de quoi voulons-nous que nos enfants soient faits ? When I was growing up here, I felt very Basque. I knew I wasn't a regular average American. I felt like I was something more than that. La migration exige qu'une personne recrée les choses de base qu'elle avait déjà établies dans le pays d'origine. Des relations affectives avec d'autres personnes, reformer un cercle d'amis, construire une nouvelle maison qui ne sera pas juste des murs pour passer la nuit, mais un foyer, et recréer des occasions pour se retrouver, danser, chanter, jouer. Ces activités exigent de grands efforts physiques, des sacrifices et l'acceptation de nombreux changements en peu de temps. Mais pouvoir les réaliser donne un sentiment de force intérieure, une capacité de rêver, une capacité de construire et une capacité d'aimer. Quel est le nom du café devant toi? Est-ce que ça t'arrive d'y rentrer? Est-ce que tu y viens pour y rencontrer des amis? Wool Growers, Benji's, le Centre Basque, le Basque Cultural Center, voilà quelques endroits où les Basques de Californie se réunissent. Encore avant eux, il y avait l'Aguirre Hotel, le Ipar Aguirre Hotel, l'Hôtel de France, l'Europa Hotel, l'Hôtel des Alpes, l'Hôtel des Pyrénées. Et pendant les longs mois d'hiver, les pensions et centres basques offraient un environnement familier afin que les Basques puissent s'adapter beaucoup plus facilement à la vie en Amérique. Et le temps d'un repas, retrouver des goûts qui les renvoyaient au pays d'origine. Oui, le pays basque, il était aussi dans l'assiette. Les parents d'Anna avaient la nostalgie des odeurs et des goûts liés à la cuisine de chez eux. Il y avait des ustensiles de cuisine qu'Anna ne retrouvait pas dans les cuisines de ses amies américaines. La première génération d'émigrés qui cuisine et mange de la tortilla ne fait pas que se nourrir. Elle retrouve pour un moment ses racines, des souvenirs et des émotions grâce à un plat du pays dont elle est séparée. Taki kontuatu zaren. Amerikarrekin, festa bat denean, badakizu zein ordutan hasiko den eta zein ordutan bukatuko. Euskal Herrian ordea hasi, badakizu zein ordutan hasten den. Baina bukatu ez dakizu inoiz zein ordutan bukatuko den. Il y a des goûts et des odeurs qui rassurent et qui font du bien à l'âme. Cette mémoire perdure grâce au centre basque, aux pique-niques et aux périodes de fêtes où l'on s'efforce de réaliser des recettes typiques. Et puis, il y a le dessert basque par excellence, parce que je ne sais pas toi, mais moi je suis plutôt sucrée que salée. À ton avis, quel dessert est le préféré des Basques de Californie? Le gâteau basque, me dirais-tu? J'aurais dit pareil. Mais non, c'est le Basque cheesecake. If I were to think of one food that would make me think of the Basque country, well, being American, it would probably be the Basque burnt cheesecake. Dans le restaurant de Lavinia à Saint-Sébastien, dans les années 90, est né le Basque Cheesecake. Contrairement à son cousin américain, dont la texture est parfaitement lisse, le secret du cheesecake basque réside dans sa surface brûlée qui apporte à ce dessert une note caramélisée. Le cheesecake américain se fait au bain-marie, le basque se fait au four. Tellement plus simple à faire que le cheesecake américain, te dirait Anna. Elle a découvert son existence sur les réseaux sociaux il y a 3 ans. Et tu vois, ce basque cheesecake n'est pas seulement celui préféré des Basques, mais aussi de beaucoup d'Américains et d'Américaines, et il a été déclaré saveur de l'année 2021 par le magazine du New York Times. Tu vas retourner où tu as commencé, au milieu de la place. Marche tranquillement. Begira, ni estatu batu arra naiz, hemen sortu naizelako. Eta horretaz, arro naiz. Baina euskaldun izatearen arrotasuna ere badaukat, hori odolan daukat. Hori da ni naizena. Eta azkenean sorterria baino garrantzitsuagoa da. Euskaldun, c'est celui ou celle qui a la langue et qui, automatiquement, est basque. En Californie, pourtant, un grand nombre de personnes ne parlent pas basque parce qu'on ne leur a pas appris, mais se sentent basques. Je crois que l'identité, c'est quelque chose qui dépend de la personne. Et les gens ici sont connectés par la culture. Ça dépend du cœur. Pourquoi les gens sont émotionnellement connectés avec le basque ? Tu peux être connecté par la langue, mais aussi par la culture et tout le côté social. En Iparralde, Guipuscoa, aussi, il y a eu des circonstances qui ont fait que des gens n'ont pas pu apprendre le basque. Parce que c'était interdit, parce que c'était illégal. Et Anna ne veut pas culpabiliser les gens parce qu'ils n'ont pas la langue. Elle souhaite être le plus accueillante possible. Qui suis-je pour dire à quelqu'un qu'il ne peut pas se sentir basque ou pas s'il se sent basque ? Être basque en Californie pour Anna aujourd'hui, c'est être responsable de transmettre la culture, la langue, la danse, la musique. Tu es arrivée au centre de la place ? Les parents d'Anna n'avaient ni les racines ni les branches des arbres qui peuplent les places du Pays basque, mais un cœur et une intelligence. Comment avaient-ils fait pour retrouver leurs racines ? Il existe bien d'autres manières de s'ancrer, même si on est loin de l'endroit où l'on a grandi. Elle tient au pouvoir de se remémorer l'odeur d'une maison quand on pousse la porte d'entrée, de posséder le souvenir intense du goût de la tortilla et de la sensation de la pluie sur le visage. Ce souvenir, c'est comme une façon de se sentir chez soi, où que l'on soit, en trouvant du réconfort en écoutant le murmure des conversations à la terrasse des cafés ou du bruit des couverts qui s'échappent des fenêtres. Tout comme toi, quand tu penses à un endroit que tu aimes. Et à l'époque où grandissent nos enfants, c'est certainement les meilleures racines qu'ils puissent y avoir.